Le vendredi 20 mai à 22h, l'artiste Inou sera accompagné de 3 musiciens et d'un chœur formé par 30 Victoria Villois, dirigé par Christine Duncan, pour présenter en première québécoise Tania Tagac with the Element Choir. Informez-vous et réservez vos billets sur fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 32e FIMAV. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à cette édition du 10 mai de l'Aérospatial, votre magazine radio en art visuel à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. J'entienne la France au micro et je suis accompagnée de ma très chère co-animatrice Audrey Caro. Bonsoir Audrey. Bonsoir Gentiane. Alors ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, en première partie d'émission, il y a la chroniqueuse Louane Bourdeau qui a invité Patrick Anctil en studio pour parler de sa galerie Le Mur Insolite. Ensuite, il va y avoir Sophie Lessard La Tendresse qui va nous présenter une chronique à propos des expositions de Jocelyn Robert et de Caroline Cloutier à Vue. Et Audrey, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la deuxième demi-heure? Oui, bien, une deuxième demi-heure tout en entrevue. Je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec les deux artistes qui présentent leur exposition À l'œil de poisson. En premier lieu, on va discuter au téléphone avec Nicolas Fleming qui investit la grande galerie de l'œil. Mais également aussi, on va s'entretenir en studio avec Mike Bourched qui est en fait l'artiste en résidence là, de 3 mois qui expose actuellement dans la petite galerie. Et on va discuter avec lui là, à la fois résidence, expo, également les performances, hein, parce qu'il lui en reste une ce vendredi. Donc, on va jaser ensemble durant la deuxième demi-heure de ça. Super! Donc, si vous voulez avoir des informations à propos de l'émission, vous avez notre page web, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous allez avoir des informations à propos de des balado-diffusions, de l'actualité dans les arts visuels. Nous avons un calendrier d'événements, des billets également publiés par nos collaborateurs, collaboratrices et la sélection audio de la semaine qui nous est présentée par Simon Roy cette semaine. Donc, un artiste de l'Ukraine, Nick Garaz, qui vient de sortir un tout nouveau EP hier, donc Smoke Rings. On va écouter un extrait du titre Monk. Alors, de retour à l'aérospatial, en studio, on a Louane Bourdeau, notre chroniqueuse. Bonsoir, bonsoir. Louane. Et Patrick Anctil. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, donc, toi, tu es un des cofondateurs de la galerie Le Mur Insolite, c'est ça? Oui, ben, on a parti ça à deux il y a plusieurs années. Maintenant, je suis tout seul qui s'occupe de ça, mais j'ai l'aide de tous les exposants, ou presque, pour m'aider à faire fonctionner ça. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu la galerie et ce que vous voulez faire comme mandat avec... Oui, ben en fait, c'est il y a 5 ans. Moi-même, j'ai une pratique dans des œuvres, des sphères de création un peu plus sombres, un peu plus marginales, un peu plus noires. Donc, exposer de l'horreur à Québec, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits. Là. Il y avait le scanner, le temps partiel, puis encore là, c'était des bars. Mm-hmm. Au niveau des lieux de diffusion, c'était pour ainsi dire inexistant. Donc, je me suis dit, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand on en veut, on s'en fait. Donc, j'ai fait mon propre lieu de diffusion avec un ami. C'était dans un ancien dépanneur du quartier Saint-Sauveur pour commencer, pour exposer ce type de création-là. Mais c'est ça, puis justement, la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, c'est qu'en fait, la galerie a eu un déménagement. Donc, oui. Anciennement, peut-être nos auditeurs l'ont déjà vu, c'était sur la rue de l'Hermine. Oui, c'était un ancien dépanneur. Oui. C'était une immense salle, là, où on avait une complète liberté artistique, mm-hmm. mais c'était situé un peu dans le milieu de nulle part. C'est ça, c'était dans un quartier résidentiel. Oui. Puis donc, ce printemps, il y a eu le déménagement sur la rue Saint-Joseph. Donc là, oui. Il y a plus de gens qui ont dû voir votre galerie depuis ce temps-là. Donc peut-être tu peux nous parler un peu de votre déménagement. Ben c'est ça. Dans le fond, toujours en quête d'une meilleure visibilité pour mes exposants, j'ai eu une opportunité pour m'installer sur la rue Saint-Joseph. Donc, c'est plus une salle d'exposition où les gens rentrent pour visiter, mais c'est vraiment un espace vitrine où la totalité des œuvres qu'on expose est vue de l'extérieur. Mm-hmm. Je précise que c'est très important d'y aller quand il fait noir, la nuit, parce que le jour, on voit absolument rien en raison de la localisation de l'espace et du fait qu'on a, tu sais, c'est tout noir à l'intérieur. Ouais. On voit vraiment absolument rien durant le jour. Là, on passe free. Mais à partir de quoi? Le soleil, il se couche vers 8-9 heures cette année? C'est 8h15 aujourd'hui. 8h15, bon. À partir de 8h15, et c'est éclairé jusqu'à 4-5 heures du matin. On voit très, très, très bien. Donc, mais en même temps, c'est le concept, là. C'est une galerie d'horreur. Donc, quand la nuit arrive, le spectacle commence. C'est bien. Comme ça, les enfants sont pas trop effrayés durant le jour. Non, pas de plainte. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi, par rapport au voisinage, quand c'était dans un quartier résidentiel, c'était pas le même rapport non plus, j'imagine. Ça l'a surpris, je pense, un peu. Surtout que ça s'est montré rassembleur très rapidement. Écoute, on a exposé 80 personnes en 5 ans, mm-hmm. principalement de Québec, mais d'un peu partout au Québec. Puis, mm-hmm. comme je disais, on avait une totale liberté artistique. Mm-hmm. Donc, on faisait des fresques, on faisait des murales. C'était 1000 pieds carrés. Fait que là, on beurrait épais. Oui, vous on beurrait avez vraiment épais, mais le faire. But, ça n'a jamais été de choquer. Le but, ça a toujours été d'entertainer, ouais. de montrer que ça existe, qu'il y a des bons créateurs dans ce domaine-là. Puis, mais c'était pas de choquer, mais effectivement, des fois, on avait des petits papiers dans nos fenêtres. Là, mais toujours quand on était fermé. Oui, déjà, on profitait. Puis, ben, peut-être aussi nous parler un petit peu du concept de vitrine, parce ouais. que en changeant d'un local où vraiment là, on avait de la place pour mettre des expositions à une vitrine, j'imagine que ça change aussi votre rapport dans la galerie. Ben, c'est ça. Puis aussi, pour pas que les gens se mêlent, il y a deux galeries d'art collées l'une sur l'autre, dans ce même espace au rez-de-chaussée, mais c'est deux galeries d'art indépendantes. Au style complètement différent. De toute façon, les gens peuvent pas se mélanger parce que, bon, d'une part, c'est affiché différemment. Il y a une division entre les deux et c'est pas du tout le même style. Puis ça se trouve à être dans un édifice qui s'appelait autrefois l'Unisson. C'est comme des groupes. C'est un édifice où il y a des groupes de musique, là, oui, punk, rock, metal. C'est des locaux de pratique, c'est ça. Oui. Donc, nous autres, le rez-de-chaussée s'est rendu deux galeries d'art et nous autres, on est à gauche. C'est le 100 rue Saint-Joseph à gauche. Mais c'est une immense vitrine, là. Mm-hmm. Ça doit faire 70 pieds de long. On est 12 artistes présentement en exposition, puis on n'est pas du tout tassés. On a même des petits murets si on veut mettre des sculptures. Et pour te donner une idée, là, moi, j'avais fait une sculpture de 9 pieds de haut en bois, puis elle rentre aisément dans... Okay. Fait qu'on peut vraiment mettre... c'est vraiment un grand espace. C'est un très grand espace. Là. Ça saute aux yeux, mais à condition d'y aller la nuit. OK. Puis ça change aussi, comme il n'y a plus d'exposition, on ne rentre plus nécessairement dans la salle. Donc, maintenant, ça se voit de l'extérieur. Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec les artistes ou avec vous? Je pense qu'il y a eu des changements là-dessus aussi. Oui, effectivement. Tout ce qu'il y a dans la vitrine... est vu de l'extérieur et la totalité de ce qu'on retrouve en vitrine est en temps réel dans notre section boutique sur murinsolite.com. Mm-hmm. Il y a toutes les indications dans l'espace vitrine pour comment nous contacter. Il y a même un code que les gens peuvent scanner avec leur téléphone intelligent qui amène directement sur le site Internet. Et au niveau des ventes, c'est ça. Ben, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai déménagé, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus virtualisé. Et la majorité des ventes que je faisais, c'était sur Internet, sur Facebook. Oui, ben j'imagine aussi que le créneau Dark Art a vraiment un gros réseautage plutôt en ligne, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion. Oui, mais c'est encore drôle. Quand même, j'ai fait pas mal de ventes à des gens du quartier Saint-Sauveur. Là. Carrément. J'aurais quand même des anecdotes à compter à ce sujet-là. On en veut une. Non, mais j'ai vu souvent des gens que je sentais qui faisaient un effort financier considérable pour acquérir une œuvre d'art. Puis c'était pas écrit du tout dans leur face là, qu'ils pouvaient s'intéresser ou qu'ils pouvaient désirer quelque chose de ce type-là chez eux. Saint-Sauveur, c'est pas un quartier qui est très riche. Là. Mm-hmm. Mais j'ai vendu des choses, c'est ça, à des gens... même moi, ça me surprend. Okay. Mais c'est ça. Mais bref, la majorité des ventes, ça se trouve être en ligne, ça se trouve être sur Facebook. Donc, maintenant, si on veut acheter une œuvre d'art du Murinsolite, c'est ça. Ça passe par le site Internet. Mais moi, c'est ça. La vente, je la fais sur place quand même parce que moi, j'aime ça rencontrer le client, jaser avec. C'est une occasion de lui donner de l'information sur l'artiste, sur l'œuvre, de qu'est-ce qu'il vient d'acheter. Mm-hmm. Okay. Mais ouais, c'est ça. Ça faut passer par murinsolite.com. Je viens de le plugger. C'est pas que virtuel. Il y a quand même, tu sais, toi, tu restes quand même derrière les ventes. Il y a quand même un contact qui se fait aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, juste avoir une galerie d'art online, ça m'intéresserait pas parce que l'art, je veux le voir, je veux le sentir, je veux être à côté. Tu sais, je veux le sentir physiquement. Mm-hmm. Mais au niveau des ventes, ben c'est ça. Ça passe par courriel, par téléphone, par Internet. Parfait. Puis est-ce que ce changement-là aussi, est-ce que ça change la façon dont les ventes se font? Est-ce que maintenant, il y a plus de visibilité aussi en ligne peut-être? Des gens qui ne sont pas nécessairement de Québec qui peuvent... Oui, c'est ça. Mais tu sais, ultimement, il faut comprendre, j'ai jamais fait ça pour l'argent. J'ai toujours fait ça pour l'amour de cette forme d'art-là. Mais c'est toujours plaisant de vendre une œuvre d'art à un artiste parce que ça lui permet d'aller s'acheter du matériel puis d'en produire d'autres. Okay. Mais oui, effectivement, après 3 semaines, j'ai commencé à faire des ventes. Après 3 semaines de nouvelles localisations, là, mais le but premier, ultimement, c'est pas de faire de l'argent. Là. C'est d'utiliser l'argent pour montrer ça. Oui, d'avoir aussi un espace de diffusion pour quelque chose qu'on voit assez rarement dans les galeries de Québec. Puis une dernière question, peut-être. Tu parlais au début, tu disais t'es seul, mais les collaborateurs. Oui. Comment se passe cette parce que normalement une galerie représente des artistes. Oui. Comment se passe ce contact-là avec tes collaborateurs, les artistes qui sont avec toi dans ce projet-là? Ben c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, je suis bénévole là, depuis 5 ans pour m'occuper de ça. Donc, tu sais, les artistes, j'ai comme des ententes avec eux autres. C'est devenu mes amis au fil du temps aussi. Quand je fais un montage, comme là la vitrine, on va la changer à tous les mois. Mm-hmm. C'est quand même de la job, monter ça, démonter ça. Il y a toujours des travaux de peinture à faire, cleaner la vitrine parce que c'est sur Saint-Joseph, il y a beaucoup de circulation. Il faut tout le temps cleaner ça. Fait que je le fais avec les exposants. Je le fais avec les exposants. Puis moi, je prends une cote qui est vraiment minime. Là. Puis la cote, elle sert justement à acheter les pots de peinture, à payer le site Internet, puis ces choses-là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment l'union fait la force. Bon, ben, c'est un très beau projet, le Mur Insolite. On vous souhaite encore une très belle continuité après ce déménagement au 100 rue Saint-Joseph. 100 rue Saint-Joseph, mais côté les vitrines de gauche. Côté gauche. Et il faut y aller à partir de 8h15. Parfait. Donc, une vitrine à voir le soir. Merci, Louane. Merci, Patrick. Merci. On va partir en pause audio avec un extrait de L'Octop. De retour en onde avec Sophie Lessard-Latendresse en studio, notre chroniqueuse et encore et toujours fidèle Audrey Carreau. Donc Sophie, tu es allée voir les expositions à vue, deux expositions, donc Jocelyn Robert dans la Grande Galerie, dans l'espace américain, Moiré et Otto Moiré, et Caroline Cloutier de Montréal qui présente Contre-espace, entre parenthèses, déploiement. Comment tu les as trouvées, ces expositions-là? Je les ai trouvées très différentes, pour commencer. Avant tout, je pense que faut dire que Jocelyn Robert, c'est vraiment son exposition, c'est vraiment une continuité de sa pratique artistique. Donc, Otto Moiré, qui est une série qui a débuté à partir de 2014. Puis, c'est vraiment une suite, un petit peu, de sa recherche artistique, là, au niveau de l'image. Il s'était beaucoup, là, je sais pas si vous aviez vu le vidéo Blue Empire, New York, Babel, Billboard. Bon, c'est un petit peu justement la suite de ce vidéo-là, mais vraiment en image. Donc, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est vraiment le fait de s'interroger un petit peu sur l'image numérique et de reprendre justement cette image-là, mais vraiment en venant superposer l'image numérique. Donc, un petit peu en travaillant justement l'image, qui donne vraiment des résultats très différents au courant de l'exposition. Caroline Cloutier va, comme un petit peu Jocelyn Robert, un petit peu venir vraiment s'interroger sur aussi l'image, puis un petit peu le champ, le contre-champ. On a travaillé des surfaces là avec des miroirs. Comme des déclinaisons vraiment d'une forme de base qui est là, oui, mais qui est modifiable. Il y a quelque aussi chose de l'origami aussi. Oui, là, exact. Les énormément petites figures formées de façades de miroirs. Ça m'a fait un petit peu penser comme un kaléidoscope. Ouais, oui, aussi, c'est vrai. Aussi, moi, ce qui m'a fait rire, la forme aussi me faisait penser, puis j'en discutais avec Anne-Marie Proulx, la directrice artistique là-bas, c'est, vous savez, les petits jeux de papier qu'on fait là avec des chiffres, on choisit, puis c'est vrai, on a après ça, on ouvre un pan là, à l'intérieur avec un petit mot, quelque chose de drôle. Là, moi, ça me faisait un peu penser certaines des formes à ça aussi. Effectivement. Oui, ben il y a quelque chose de très délicat aussi dans ces espèces d'assemblages de miroirs. Puis on s'interroge sur l'échelle aussi. Parce que les photographies sont quand même d'une échelle assez grande. On se retrouve face à ces objets-là. On se demande est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand. On s'attarde au format de la tranche du verre qui forme le miroir. Donc il y a tout un petit. Puis aussi, ben ça doit être un méchant défi en studio de recréer de créer ce contre-champ qui est vide. Oui, qui est vide. En fait, c'est vraiment s'interroger un petit peu sur l'espace, sur cette notion-là d'espace, sur essayer de photographier habituellement ce qu'on n'est pas capable de rendre en photographie. Donc, l'espace qui veut pas rentrer nécessairement dans le champ photographique avec, justement, donc, la série, donc, des contre-espaces déploiement, c'est vraiment un petit peu de venir peut-être travailler, justement, cette forme-là, de venir vraiment travailler le champ un petit peu plus pour ce qu'on est capable de voir habituellement là en photographie. Au niveau donc de la série de Jocelyn Robert, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup peut-être interpellée. Un peu de temps, oui, je trouve qu'on est beaucoup à l'ère du numérique avec justement donc l'image numérique qui est travaillée, mais j'aime bien aussi le titre Otto Moiré, dans le sens que c'est Jocelyn se fait toujours aussi référence dans ses photographies à lui-même, donc comme un autoportrait un petit peu, on est capable de discerner la forme, donc les formes qui semblent se superposer les unes aux autres, mais c'est aussi se questionner sur nos propres un petit peu ce qui fait en fait nos images, donc je parle les mots là, mais d'essayer de trouver nos repères, oui, peut-être, oui, effectivement. Oui, parce que ben en fait il y a toute cette question de l'accumulation d'images, hein, parce que c'est ça qu'on a dans notre vie quotidienne, on a une accumulation d'images qui s'imprime, si on veut, à l'intérieur et qui crée des références, donc on parle de... Des références, oui, très ça. Bien, mais c'est parce que j'avais en tête vraiment la série où on voit vraiment un portrait de Jocelyn, le portrait en fait, où le portrait officiel de professeur qui est, mais après ça on se retrouve avec des superpositions d'images de la Renaissance, fait que ça peut nous faire questionner un petit peu aussi sur les origines de l'image, sur travailler un petit peu justement l'histoire qui peut se cacher aussi derrière ces images-là, derrière ces références-là qu'on peut qu'on peut avoir aussi. Il y a aussi une série où c'est justement aussi c'est le portrait de Jocelyn Robert, mais c'est vraiment superposé avec des portraits de criminels. Fait qu'on peut se demander aussi, ça nous porte en fait à nous questionner un petit peu peut-être sur nos références, sur une image qui domine un petit peu dans la sphère publique. Donc, comment on fait pour bâtir nos références, nos référents également. Puis je trouve que cette série-là aussi était un petit peu actuelle, en fait, avec ce qui se passait avec l'ère numérique autour de nous, puis nos références numériques. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Ben oui, ben en fait, le dans l'histoire photographique du portrait, le portrait de Bertillon, qui est comme un peu ce qui a mis les bases du portrait de criminel, par exemple, ou du portrait d'identité, a quand même construit beaucoup la façon dont on fait les portraits apparemment neutres. Qu'on considère comme étant neutre. Culturellement, on considère que ces portraits-là, frontaux, avec une certaine distance, souvent sans sourire. Nous, au Canada, on est pognés avec ça, hein, nos passeports. Oui, c'est une photo de passeport, oui, c'est ça. Donc, avec un fond neutre, mais c'est ça qu'ils vont référer aux criminels, qui vont référer aussi au permis de conduire, à toutes nos photographies d'identité. Donc, il y a un jeu. On a des photos officielles, là, aussi. Mais c'est ça, on trouve souvent qu'on a l'air d'un criminel quand on regarde notre photo de passeport, parce que c'est des codes qui sont les mêmes, qui sont appliqués à une classification, en fait, des visages humains. Alors que là, c'est les traits de Jocelyn Robert qui viennent d'être sur lesquels viennent se superposer les traits d'autres personnes. Donc, ces traits sont transformés, on le reconnaît, mais il devient méconnaissable. C'est assez intéressant. Puis il y a aussi... Il a fait différentes expérimentations de superposition aussi. Il y a des lieux. Vraiment plus dans son vidéo qui était présentée là à vue le 29 avril, c'était vraiment plus à ce moment-là justement peut-être le lieu, donc l'Empire State Building qui était vraiment un petit peu travaillé, donc la superposition d'images, des différentes images du Empire State Building qu'on peut retrouver sur Google. Puis à un moment donné, on se rend compte que c'est plus l'Empire State Building qui ressort. Je pense qu'il a travaillé environ 4000 photos, mais ça va ressortir sur d'autres choses qui... La composition de l'image peut paraître là semblable, mais ce sont plus des images de l'Empire State Building. Mais on peut voir aussi dans Moiré, Otto Moiré, donc cette superposition d'objets-là, effectivement, là, quand on arrive dans l'espace d'exposition, ce qu'on perçoit en premier, c'est justement, c'est des superpositions d'objets qui ont été travaillés. Puis on est même capable aussi de voir l'espèce de copyright qu'on peut retrouver sur Internet. C'est vrai. Et c'est juste vraiment dans la deuxième petite salle qu'on peut vraiment retrouver un petit peu les portraits qui, moi, m'ont beaucoup plus interpellée, qui m'ont vraiment plus questionnée sur peut-être la provenance un petit peu, puis sur cette décomposition un petit peu des référents qu'on peut retrouver. Au niveau des objets, je trouvais que c'était peut-être des formes qu'on avait l'habitude de voir. Tu sais, vite comme ça, là, je pense au tableau, à la photographie quand on arrive rouge, toujours l'impression qu'on a vu déjà ce tableau-là, qu'on a vu cette photographie-là, de par justement la superposition de formes, mais c'est un peu flou. Mais je trouve que ça interpelle vraiment justement cette référence-là à un tableau qu'on a peut-être déjà vu en histoire de l'art ou sinon dans une exposition, mais les formes sont floues, mais la composition, par contre, peut faire justement référence un petit peu à... Oui, il y a du Rembrandt derrière ça. Oui, c'est ça, il y a comme quelque chose qu'on... Il y a comme quelque chose qu'on... Mais moi, on jase comme ça, puis on parle, oui, de l'accumulation et tout, mais moi, je me dis des fois, est-ce que dans la surcharge, par exemple, comme dans le vidéo... Blue Empire. Peut-être dans les photographies, il y a certaines que ça s'applique moins, là, mais dans cette surcharge d'images, hein, qui est aussi avec l'ère numérique d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'en vient pas aussi qu'à perdre certains des référents aussi en même temps. C'est ça que je me dis qui fait que, oui, cette image-là devient floue. En même temps, oui, elle est familière, mais pas tant. On cherche, on trouve pas trop. Mais il y a quelque chose de ça aussi, je trouve, dans la surcharge. Vient la perte d'information également. Oui. Mais oui, c'est ça. Il y a la perte d'information. C'est quelque chose qui est très présent dans les surimages, comment on pourrait dire, dans le monde actuel. Mais il y a aussi les archétypes qui se forment, tu sais. Oui. Quand on pense à l'Empire State Building, on peut penser à toutes les constructions dans l'histoire du monde qui ont cette forme, les obélisques, toutes les statues, les monuments. Puis c'est ça aussi qui est présent dans sa vidéo. Donc, il y a une espèce de tension qui se crée dans l'accumulation des référents et puis la perte de l'information, la perte des références qu'on a en regardant ces images, en regardant ce travail-là. C'est quand même une réflexion qui est assez intéressante sur l'aspect cognitif aussi, l'image. Mm-hmm. Oui, effectivement. Oui. La façon dont les êtres humains, on perçoit les images, la façon dont sont imprimées à l'intérieur de nous, la façon dont elles habitent notre mémoire, elles reviennent en mémoire lorsqu'on voit autre chose qui nous fait penser. En tout cas, il y a tout... On pourrait en parler encore longtemps. On pourrait en parler encore longtemps. Bref. Je te remercie beaucoup, Sophie, d'être passée au studio aujourd'hui pour jaser de ce qui se passe à la vue. C'est assez... on en jase puis on réfléchit à voix haute. Mais là, il est temps de partir à la pause. Donc, c'est jusqu'au 5 juin à Vue Photo, Jocelyn Robert et Caroline Cloutier. Donc, deux expositions à voir. Et on part à la pause. Au retour, Audrey s'entretient avec Nicolas Fleming. Et oui, c'est ça. Vous écoutez CKRL 89.1. CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les mardis soirs. Swing Out avec Jasmin Hinz à 20h30, Délinquant Juvénile avec David Rochette à 21h et Les Saints Patrons de la Couffaine avec Jean-Sébastien Doré à 22h30. Sous le soleil de Saint-Roch-Capulco, venez assouvir votre soif de plaisir entre une cinq rivières et deux pas de danse. Une ouverture sous les signes de la joie avec les airs déjantés de Paul Michello et de son fabuleux sextet. Jeudi, le 9 juin, vous êtes tous conviés à l'ouverture de la merveilleuse terrasse de la Barberie. Tous les détails sur le nouveau site de labarberie.com. Remis au lendemain en cas de pluie. Et à l'année prochaine en cas de neige. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de haute fidélité et toujours spécialiste en son et images. Audiolite. 355 rue Marie de l'Incarnation, 418-687-9252. Audiolite.qc.ca. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Dernière chance de voir la Ligue BD cette saison. Grande finale 2015-2016, le dimanche 15 mai, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Steve Veilleux, 7 jours en mai, Thomas Fersen, les Sœurs Boulay, Yann Perrault, les Goules, Thomas Hellman, Galaxy et plein d'autres. J'avais de bons amis, quel équipage nous faisions. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. J'aime les oiseaux. Une invitation de la bière Belle Gueule. Et vous êtes de retour à l'aérospatiale. C'est Audrey Caro au micro pour la deuxième partie de l'émission et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Nicolas Fleming. Bonsoir Nicolas. Bonjour Audrey. Alors, tu exposes présentement à l'œil de poisson une installation qui s'intitule « Se faire la cour pendant des semaines ». Une installation qu'il faut le dire à nos auditeurs qui est assez colossale, monumentale, qui revoit un peu l'espace. Ça transforme l'espace de la exactement, galerie. Exactement, vraiment de façon assez importante. Et peut-être tu pourrais nous parler un peu de ton travail premièrement avec, tu fais à la fois de la sculpture mais aussi de l'installation et l'espace semble être bien sûr un de tes champs d'intérêt, bien sûr. Oui, alors, c'est ça, comme tu dis, je fais de la sculpture et de l'installation. Des fois, c'est un peu flou la différence entre les deux, mais je pense que je crée des espaces dans lesquels je peux placer des objets. Dans le cas de l'exposition à l'œil de poisson, j'ai créé des meubles, donc des chaises, des tables qui sont placées dans des espaces que j'appelle des loges. Et à partir de ces chaises-là sur lesquelles on peut s'asseoir, parce qu'elles sont fonctionnelles, on observe un théâtre, une scène qui est vide, éclairée par des néons. Donc, c'est un espace de contemplation. C'est une scène qui est impraticable. Donc, le visiteur peut regarder devant lui, mais rapidement, j'espère que ses pensées vont devenir introspectives parce que on fait le tour assez vite de ce qu'il a regardé quand on est assis sur les sièges. Oui, exactement. C'est un peu ça. On arrive devant un certain dénuement, malgré le fait que les meubles et les espaces loges, comme tu les appelles, soient colorés, mais le fait qu'on s'assoie et qu'on regarde cette scène-là, et on reste quand même un peu surpris. Puis je pense que tu aimes utiliser aussi un peu l'idée de déception quand tu parles de ton travail. Oui, c'est ça. Je parle de déception dans le sens que quand on, par exemple, dans cette installation-là, quand on voit une scène, on s'attend à ce qu'il y ait une performance quelconque dessus, que ce soit du théâtre ou de la musique ou autre. Dans ce cas-ci, le plancher est incliné, donc on sait qu'il va rien se passer. Donc, on est dans un environnement où est-ce que on est habitué d'observer une action, puis finalement il n'y a pas d'action. Ce que je trouve intéressant aussi avec la scène qui est relativement simple, c'est que étant donné que les loges sont colorées et plus complexes dans leur architecture et leur mise en espace, finalement je pense que les visiteurs se mettent à regarder la place d'où habituellement ils sont observateurs. Donc, Oui, parce qu'il faut dire que les gens peuvent, quand ils arrivent, ils montent, ils sont justement au niveau des loges, mais ils peuvent descendre, se rapprocher de la scène et, comme tu dis, finalement, faire face aux loges, donc voir ces quatre espaces-là colorés aussi, donc le lieu où ils étaient au préalable. Je pense que d'avoir ce type de dispositif-là, en fait, j'espère que le visiteur va prendre plus conscience de sa présence et de son importance en tant que visiteur. Pour moi, je suis très choyé des gens qui se déplacent pour venir voir mes expositions. Alors, il y a un autre aspect peut-être de mon travail que je pourrais dire, que les monuments que je crée sont entre autres à l'effigie des visiteurs. Oui. Et puis, c'est particulier parce que souvent, en tout cas, quand on était au vernissage ou bien même par la suite, les gens se questionnent parce que la façon de travailler les matériaux, il faut dire aux gens aussi, ce sont des matériaux de construction très communs, hein, du gypse, du bois, de l'aspenite. Donc, vraiment des matériaux qui sont très connotés aussi à l'univers de la construction. Tu les laisses aussi très bruts et les gens souvent ont cette impression de ah ben votre expo vous êtes en construction, l'expo n'est pas ouverte. C'est intéressant ce rapport-là. C'est pas la première fois que je me fais dire ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça va être beau quand ça va être fini. Oui, mais il y a ça aussi dans ton travail, cet aspect pour les gens qui on dirait d'une œuvre qui n'est pas tout à fait achevée ou qui est en cours, en construction. C'est intéressant aussi cet aspect-là dans ton travail. Ce que j'ai essayé de faire avec cette exposition-là, c'est en fait d'omettre certaines étapes dans le processus de construction des murs. Donc, le processus convenu est évidemment de mettre les montants, ensuite couvrir le gypse, plâtre, sablé et peinturer. Ici, dans les loges, par exemple, j'ai peinturé les cloisons sèches, le gypse, avant de les poser. Donc, on voit les vis qui sont comme... un genre de motif ou une couture. Pour ce qui est du théâtre, j'ai pas sablé les joints, donc on voit la texture du plâtre sous la peinture. Et puis, j'utilise la spenite ou OSB pour laisser à son état brut parce que dans les chantiers, à force de fréquenter ce genre d'espace-là, de chantier de construction, moi, j'apprends à apprécier l'esthétique des matériaux pour à différents stades de leur utilisation. Donc, pour moi, je trouve que l'OSB, c'est un motif intéressant, la texture qu'il y a dessus, puis la bordure qui est peinturée de couleur aussi pour identifier c'est quoi l'épaisseur. Donc, tous ces détails-là, je pense qu'ils prennent de l'importance, puis on vient à les apprécier esthétiquement au lieu de fonctionnellement. Exactement, c'est ça, c'est d'amener le matériel conventionnel un peu au-delà de son usage premier, bien sûr. Ce que j'ai fait aussi en faisant les sièges, je suis allé dans un fini, mettons dans un stade avancé de finition pour faire quelque chose de très slick, si on veut, moyennant là, ce que les matériaux me permettaient quand même de faire. Là, c'est pas aussi que du plastique ou de l'acier, mais quand même, il y a cette finesse-là qui montre, j'espère, aux visiteurs que je suis capable de manipuler ces matériaux-là, mais je choisis de ne pas les amener jusqu'à leur finition convenue. Exact. On voit vraiment le souci du détail et du rendu dans ces meubles-là qui sont magnifiques et qu'il faut dire reprennent aussi le design de mobilier qui est quand même, somme toute, assez connu, là, également. Oui, c'est ça. Ben, j'ai pris 4 modèles de chaises qui sont, relativement connus comme des chaises assez célèbres dans le milieu du design, mais je les ai adaptées parce que je les ai faites avec un cadrage en contreplaqué couvert de cloisons sèches flexibles et ensuite de plâtre et de peinture. Mais j'ai adapté la forme en fonction de ce que ces matériaux-là me permettaient de faire. Donc, si il y avait besoin, mettons, plus de soutien à quelque part, ou parce que, mettons, un cadrage en métal, tu vas avoir besoin de moins de soutien pour faire ton siège, ben à ce moment-là, moi, il fallait que je rajoute des éléments. Donc, je pense que il y a certaines chaises qu'on va reconnaître d'où viennent les influences. Je pense pour certaines personnes, en tout cas, qui connaissent ça. Ou c'est sûr que quand on met la chaise originale à côté, on fait « Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu celle-là. » Je veux dire, tout le monde les connaît, ces chaises-là. Mais je pense que si on les reconnaît ou pas dans ce contexte-là, c'est pas si important. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça met les gens dans une zone de confort parce que c'est assez déstabilisant quand même, je pense, l'environnement en général, comme tu disais, à cause des matériaux qui sont pas finis et puis de la scène qui est vide. Sauf que d'avoir ces formes-là qui nous rappellent peut-être autre chose, ça nous, je pense que ça nous stabilise un peu, ça nous sécurise. Oui, oui. Eh bien, Nicolas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette exposition, donc se faire la cour pendant des semaines, qui est présentée jusqu'au 29 mai prochain à l'Œil de Poisson. Donc, je te remercie encore une fois et on te souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup à toi, puis j'aimerais aussi remercier tous les techniciens qui m'ont aidé à monter l'exposition. C'est toujours mes meilleurs amis pendant un mois quand je fais ce genre de projet-là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir et le message est entendu. OK, super. Bye-bye. Bye. Alors nous, on se quitte pour une pause audio avec un extrait de Smoke Rings, qui est la pièce-titre de l'album de Garaz. Et nous sommes maintenant en compagnie de Mike Bourchette. Bonsoir, Mike. Bonsoir. Alors, tu exposes présentement, toi aussi, à l'Œil de Poisson, mais dans la petite galerie. Mais il faut dire aux gens que tu étais l'artiste en résidence de 3 mois à l'Œil. Donc, tu es au Québec depuis la mi-février, finalement. Et il faut dire aux gens que tu es un Luxembourgeois d'origine, mais qui vit maintenant à Vancouver. Et donc, moi, j'étais un peu... j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta résidence ici et comment ça l'a mené vers l'exposition que tu présentes à l'Œil en ce moment. Oui. En fait, ça fait super longtemps que je n'habite plus au Luxembourg. J'ai quitté à 19 ans, donc super longtemps. Oui, c'est vrai. J'étais invité pour faire la résidence et me concentrer sur un projet que j'expose à la galerie en ce moment. Et c'était vraiment cool, quoi, que j'ai pu me concentrer sur que mon travail, ne pas avoir un job ou un truc bidon. Ça amène la pratique à pousser un petit peu plus loin la pratique ou la réflexion, oui. Là, bien sûr. C'est vraiment une grosse chance, quoi, pour se concentrer. Mm-hmm. Et c'est vraiment cool, quoi, parce que... Tout ce que j'ai pu faire pendant les 3 mois, j'ai pas vraiment imaginé faire autant, quoi. C'est vraiment cool. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à appliquer à l'Œil de Poisson, dans le fond, l'an dernier, quand tu as envoyé ton dossier ici? Qu'est-ce qui t'a intrigué par rapport à l'Œil? Ben, en fait, c'est un très, très vieux copain à moi, Pascal Gingras, en fait, avec lequel j'étais à l'université à Berlin, à l'université de Beaux-Arts. Et en fait, lui, il m'a parlé de Œil de Poisson et du Centre Méduse. Et il m'a dit, ouais, il faut vraiment que tu fasses ça. C'est vraiment pour toi. C'est cool. T'as le temps. C'est des super studios. C'est des super workshops. Donc, et puis, je me suis dit, bon, bah, cool. J'ai regardé sur Internet et, ouais, j'étais, Blown away, et puis c'est vraiment cool, quoi. Ben, j'ai envoyé, j'ai eu de la chance. Oui, oui. Et puis, il faut dire aussi aux gens que ta pratique artistique est assez multiforme, principalement sur la sculpture, la performance, un peu de photographie également aussi. Mais c'est assez intriguant, je dois dire, comme pratique, parce qu'on n'en voit pas énormément beaucoup de ça au Québec particulièrement. Donc oui, des sculptures un peu énigmatiques, mais avec lesquelles tu mélanges aussi costumes. Et tout ça prend parfois forme au travers de performances également. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. En fait, tout prend vachement beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup en processus. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu comme... vu que je crée un peu des caractères que je joue moi-même, donc ça dépend... des fois, je fais des costumes pour danser ou pour chanter. Je fais des bons de sang, des sculptures à porter. Donc, ça dépend vraiment quel personnage que je prends. Et chaque personnage, pour le représenter, il faut que je prenne un artisanal ou quelque chose pour représenter ce personnage. Donc, c'est pour ça, je fais un peu de tout, quoi. Oui. Et justement, d'où viennent ces personnages-là? Comment ça fonctionne dans ta tête? Est-ce que c'est par... comme à l'œil, je pense, il y a le fait aussi, c'était sur une question de l'identité que tu t'es posée, par le fait que tu es comme quelqu'un qui s'est déplacé énormément depuis justement l'âge de 19 ans que tu as quitté. Comment te viennent les idées pour tes projets, justement? Oui. Ben, en fait... premièrement, je pense c'est important vu que je viens d'un tellement petit pays où on parle souvent le luxembourgeois, c'est une langue qui n'est pas vraiment connue, donc mm-hmm. Et chaque fois en fait quand je quitte un peu mon petit pays, je parle tout le temps une langue différente, et avec chaque langue que je parle, donc j'habitais à Berlin, avec l'allemand, j'ai appris l'espagnol, et puis le français, j'étais en France et tout. Donc c'est vraiment, on prend d'autres accents et aussi un langage corporel aussi. Donc ça, c'est vraiment, ça fait aussi des petits personnages quand on change de langue. Et c'est en fait ça où j'ai développé un peu des caractères. Et aussi souvent des trucs qui me bug dans la vie, genre... les communautés LGBT qui sont exclues, ou c'est souvent ça en fait, c'est vraiment beaucoup, oui, c'est souvent des trucs qui me bug en fait. Oui. Oui, puis il y a cette espèce d'étrangeté aussi au travers de tes personnages qui sont à la fois, comme tu dis, mi-homme, mi-femme. On ne sait pas trop quel genre ils peuvent être. D'ailleurs, la performance que tu as donnée vendredi dernier en était un bel exemple. Déjà que tu es quelqu'un de très, très gras, assez costaud aussi, avec une belle moustache, mais avec ce costume, ma foi... très victorien, mais aussi animal, avec une qui semblait comme une queue de homard, enfin, avec des poses aussi, où tu prenais des poses, tu cherchais à prendre une pose en particulier aussi, puis on sentait que t'étais jamais, il s'était jamais rendu là exactement, mais ouais. En fait, c'est assez intéressant aussi ce mélange, cette étrangeté qui se retrouve dans tes personnages. Ben en fait, je veux plus me faire limiter ou me limiter moi-même, donc si j'emprunte un peu des formes de la mode masculine ou de la forme féminine, vraiment c'est pour moi la liberté de choisir ce que je veux être ou ce que je veux porter ou ce que je veux créer. Là en mode pour les hommes avec les pantalons et tout ça, c'est on est vite là, quoi. Je pense que ça reste toujours intéressant quand même, mais je pense que si on ajoute un peu tout ce qui est volume au niveau de la fashion pour femmes aussi, mm-hmm. Ou pour le costume, si on regarde un peu dans les opéras et tout ça, c'est vraiment ça ouvre beaucoup de portes, et ça ouvre beaucoup aussi le langage qu'on prend quand on porte un costume, parce que chaque volume du costume ou chaque mobilité, disons, quand on porte le costume, ça change aussi le personnage qu'on prend, comment on parle, comment on danse dedans ou tout, quoi. Donc c'est mm-hmm. vraiment, c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'explorer un peu tout ce que je veux. Oui, exact. Puis on sent vraiment que c'est plusieurs milieux artistiques qui t'intéressent, pas juste les arts visuels, mais comme tu le dis, la mode, la danse, la musique. Donc, il y a ce beau mélange-là aussi dans ton approche qui doit être aussi très nourrissant puis qui rouvre les portes, là. Ben, je pense que c'est un peu... c'est même avec la musique, c'est un peu pareil. Toute musique a aussi une notation de gender aussi. Genre, si on regarde un peu les battles, genre le voguing ou le juke ou un peu de la musique, ou même le waltz, la waltz, pardon. si on regarde un peu, genre, il y a la femme, elle ne peut que danser en arrière, et le part en fait masculin peut toujours que danser en avant. Et vraiment, si on danse les deux parts, on peut danser avant et arrière. Oui. Et il nous reste qu'une petite minute, mais je voulais aussi souligner le fait qu'il te reste une autre performance ce vendredi à l'œil, et c'est présenté dans l'installation de Nicolas Fleming. C'est assez intéressant aussi ce lieu-là qui fait, comme on le disait tout à l'heure avec Nicolas, qu'il y a quelque chose du théâtre, de la scène aussi. Est-ce que tu peux juste peut-être nous donner en quelques mots un aperçu de ce qui attend les gens, donc ce vendredi à 17h à l'œil de poisson? Hein? Oui. D'abord, il faut que je vraiment remercie Nicolas, parce que c'est vraiment, vraiment cool que je puisse faire ça. Parce que ça, c'est vraiment un match qui est super cool. En fait, là, je suis en train de faire une bande son. Donc, j'écris deux morceaux de musique et je chante. Et ça convient très, très bien avec le costume que j'ai créé. Ça s'appelle The Jocks, Lana Del Fis et And the Sons of Wisdom. Donc c'est un peu à faire avec quand j'étais à l'école, ou même aujourd'hui quand on est au high school, quand on écoute du rap, on porte des fringues rap. Quand on est au metal, on porte des fringues metal. Donc moi j'aimerais bien, j'ai créé un costume en fait où on peut faire tout. Et la bande son, c'est un peu ça, c'est un peu de la techno house, quoi. OK. Alors, très intriguant, intéressant. Donc, on dit l'exposition jusqu'au 29 mai à l'œil de poisson, et la performance à ne pas oublier ce vendredi à 17h. C'est gratuit. Et voilà, donc, on va pouvoir découvrir ce dernier personnage intriguant que tu nous réserves. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une courte pause audio et on revient avec les événements de la semaine. Thank you. Alors, pour ce dernier segment d'émission, Audrey, qu'est-ce qui nous attend dans l'actualité des arts visuels cette semaine? Oui, ce jeudi, c'est le vernissage des finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'École des arts visuels, une exposition qui s'intitule « Le titre de rêve ». C'est bien sûr à l'édifice de la Fabrique au 295 boulevard Charest. Allez voir, c'est toujours attendu. Des belles découvertes, là, toujours. Des belles découvertes de voir qu'est-ce que ces finissants-là nous réservent. Donc, c'est à compter de 17h ce jeudi. Sinon, gros vendredi, on a à 17h, oui, la deuxième performance de Mike Bruched à l'œil de poisson. Il y a le finissage de la résidence de Noémie Kotick à la Chambre Blanche. C'est le vernissage également de Dialogue 2 de Canadian Bacon à la galerie Lacerte Art Contemporain. Et le lancement du numéro 123 d'Inter au lieu, bien sûr, qui est suivi à 19h d'une performance de Julie Andrété. Sinon, 17h30, c'est le vernissage de un certain nombre d'œuvres dont vous ignorez l'existence, de Doyon Rivet à la Galerie Toi, dont on aura probablement le plaisir de jaser la semaine prochaine. Et sinon, dernière semaine pour voir l'expo indépendante des étudiants au bac, la fois où l'on se coupait les cheveux, jusqu'au 12 mai, 17h. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations et la balado-diffusion de l'émission sur notre page web au www.laérospatialecrl.wordpress.com. J'aimerais remercier nos invités Patrick Anctil, Mike Bourchette et Nicolas Fleming et nos collaboratrices Louane Bourdeau et Sophie Lessard-Latendresse, ainsi que Simon Roy pour sa sélection audio et notre fabuleux Jacques Gignac à la mise en onde. Et merci beaucoup à toi, précieuse co-animatrice Audrey Caro. Nous cédons le micro à Pierre Blais et à son émission Situation critique. Bonsoir à la maison. Bonsoir Audrey. Bye bye. À la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. 89.1. C'est KRL. Québec. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Le 32e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, le quatuor Bozzini avec Kim Meir, Julie Tippetts et Martin Harker Ensemble, Tania Tagak avec The Element Choir, Tony Wilson, John Zorn, George Lewis, Musica Electronica Viva et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai 2016, venez à Victo vivre l'expérience du 32e FIMAV. À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle... C'est-tu Lévis, là, au bord? Je te sais. Calais à Québec. Calais à Québec. Une rencontre avec la comédienne Florence Lompré, signée Marilyn Laflamme. Mais moi, ça m'a pris vraiment du temps avant d'être acceptée à l'école de théâtre. J'ai fait mes auditions 3 fois. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit « Alors, je ne pas la grosse torche, on va la prendre. » Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Les 2, 3 et 4 juin prochains, la coopérative Spira, en collaboration avec Antitube, vous convie à l'événement cinématographique « Vue d'ensemble ». Au programme, rencontres professionnelles, événements et projections. Ayant pour thème la scénarisation, l'événement s'adresse autant aux travailleurs en cinéma, professionnels ou émergents, qu'au grand public. Marathon de scénarisation, classe de maître, 24 heures de cinéma et bien plus encore. Tous les détails de la programmation sur spira.québec. Situation critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En mai, ne manquez pas au Cinéma Le Clap, The Dark Horse, dès le 6 mai, la nouvelle programmation des classiques du cinéma avec le film Blue Velvet de David Lynch dès le 22 mai, le film Demain dès le 27 mai. Courez la chance de gagner une paire de billets pour le théâtre Périscope. Pour participer, téléchargez gratuitement le magazine Le Clap sur votre tablette. Vous avez jusqu'au 19 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca.